à toutes et à tous, vous êtes bien dans la bulle de l'IA. Vous nous écoutez sur le 107FM ou sur www.radioguemozo.eu. Vous êtes les bienvenus sur Radio Guemozo et avec nous aujourd'hui, eh bien, notre invité du jour, Micheline Faliguero. J'espère que j'aurai bien prononcé votre nom de famille. C'est bien, c'est tout à fait bien. Ouf oui. Mais je suis née Claudel quand même. Ah d'accord, c'est votre nom d'épouse alors. D'accord. Oui. Alors Micheline, bonjour, comment ça va déjà pour commencer? Ça va très bien, je suis enchantée de faire connaissance avec l'IA. C'est réciproque, merci beaucoup en tout cas d'être avec nous aujourd'hui. On parle de votre dernier livre qui se nomme L'Offensé, carnet de rencontres. Ce n'est pas votre premier livre? Non, le tout premier, j'en suis à mon sixième, le tout premier. Ah oui. C'est l'histoire, c'est à partir d'un fait réel, l'histoire d'un garçon qui était né dans les Pyrénées-Atlantiques, dans le Val d'Aspe exactement, à Bedouce, et qui n'avait pas encore tout à fait 18 ans, s'est engagé difficilement dans les spahis et se fait tuer à Sapois, tout près de chez moi. Ah oui, d'accord. Oui, alors c'est le fait que son petit frère de l'époque, qui avait 3 ans quand lui en avait 18, soit venu un jour sur les traces de son grand frère pour savoir où il était tombé, a permis que je m'intéresse à cette histoire et je fasse les recherches. D'accord. Dans les Pyrénées et dans les Vosges pour situer l'événement en 1944. Une terrible époque. Alors, la moitié du livre est consacrée à la région du Val d'Aspe et l'autre moitié à la libération de Vanières, Rochesson, Gerbamont, le Haut-du-Tau. D'accord. Et pour ce faire, j'ai rencontré, c'est mon travail habituel d'écriture, j'ai rencontré là-bas, dans les Pyrénées et dans les Vosges, des gens qui m'ont apporter leur témoignage. Et en fait, j'essaye d'assembler d'une manière à peu près agréable tous les renseignements, tous les témoignages que j'ai pu avoir pour en faire un livre. D'accord. Et c'est quand même romancé ou alors Non, c'est non. Pas du roman. D'accord. C'est pas du roman, ça ne peut pas être du roman. C'est en fait comment on décrit un travail d'histoire. D'accord, un travail d'histoire. C'est quoi comme style du coup d'écriture? Ce n'est pas une écriture d'historien, voilà. C'est tout à fait avec l'utilisation des témoignages que j'ai, c'est-à-dire que les gens parlent leur vrai langage dans mon livre. D'accord. Dans L'Offensé, c'est encore une fois le cas, hein. C'est plein de petites histoires que des personnes sont venues vous raconter, si j'ai bien tout compris. Mais quand on le lit, on n'a pas l'impression que ce sont des témoignages, on entre vraiment dans l'histoire des personnes, qui ne sont pas des personnages, mais des personnes que vous avez rencontrées, on intègre leur histoire et vraiment c'est très bien écrit. Voilà. Si disons que d'abord pour L'Offensé, c'est surtout des coups de cœur. Hein. D'accord. Il faut qu'il s'installe une sympathie entre le témoin et moi. D'accord. Et je l'écoute, je prends beaucoup de notes et je rédige. Alors, dans un premier temps, toujours comme ils me l'ont dit. Ah, oui. Et puis, je leur soumets le texte. Et là, c'est là que j'étudie les réactions. D'accord. Il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, des choses dont ils mesurent la portée et qui permettent de retravailler. Et puis, petit à petit, comme on se voit facilement, beaucoup, on finit par arriver à quelque chose qui plaît aux deux. Et qui est l'authenticité quand même, qui parfois a demandé que je cache les noms, que D'accord. je cache les lieux, que je change les lieux, les situations aussi. Hein. C'est un total respect avec l'histoire du coup de la personne qui vous rencontre pour vous raconter son histoire. C'est très important. Oui, tout à fait. Ah ben, il faut, et de toute façon, je ne publierai pas. L'Offensé, c'est une personne qui est venue discuter une dédicace que je faisais. Un salon du livre. Toute simple, toute pauvre. Et on discute un bon moment. Et puis, elle repart. J'avais bien senti qu'elle ne venait pas chercher un livre, elle venait chercher contact. Une rencontre. Oui. Elle repart, mais ce qui était formidable, c'est qu'au bout de 10 minutes, un quart d'heure, elle revient avec deux feuilles de papier qu'elle avait arrachées dans un catalogue des pompiers, dans un... Ah oui ? Oui, et qui, sur lequel était écrit un texte qu'elle avait fait, pas ce jour même, mais pour sa maman. D'accord. Pour sa maman. Et c'est là que j'ai découvert son histoire, qu'elle était en fait la fille d'une Allemande oui. qui s'est mariée avec un Français. Elle était née en 1945 et elle est arrivée en France à 2 mois et demi. Quoi. Elle oui, est donc oui. française. Elle est française, mais née d'une maman allemande. Et ça, c'était un oui, poids très oui, lourd pour c'est elle. C'est le problème, sans problème. Et c'était le vécu de toute sa vie, ça, c'est qu'elle était la fille de la Bauche. Eh ben oui. Alors, je ne voulais quand même pas mettre ce titre-là pour mon livre, oui. mais j'ai mis l'offensée parce que dans son texte, elle dit qu'elle est offensée par les comportements des gens. D'accord. Et c'est une parmi les 16 personnes oui. que j'ai rencontrées, mais elle m'a tellement... Ah oui. Oui, alors ce qui est curieux, c'est... Enfin, pas curieux, ce qui pouvait se produire, c'est produit, c'est-à-dire que quand je lui ai donné mon texte, elle n'en voulait plus, elle ne voulait plus rien faire. Elle m'avait tellement touchée que je lui ai dit, je ne vais pas la lâcher. J'ai tout recommencé et j'ai changé les lieux, j'ai changé les noms, afin qu'on ne la reconnaisse pas. Du fait d'être la fille de la Bauche, son couple n'a pas tenu, elle s'est trouvée ah bon divorcée. Quoi. Et donc, elle ne voulait pas. Mais enfin, je trouve que c'est quand même poignant. Et puis, c'est comme dans tous les autres sujets que j'ai traités, il y a quand même, ça permet de réfléchir à la société, à tout ce qui se passe actuellement. Bah ça c'est sûr. Des années plus tard, elle porte encore le poids de cette histoire, c'est incroyable. Oui, au point de vouloir, de souhaiter vraiment qu'on ne la reconnaisse pas dans le livre au moins. Oui. Est-ce qu'elle s'est réconciliée avec son histoire, cette dame, après avoir lu votre livre? Est-ce que ça l'a soulagée? La réaction, en fait, quand je lui ai envoyé mon nouveau texte par la poste, et le matin, j'étais à Remiremont, le téléphone sonne dans ma poche, et qu'est-ce que j'entends? Rien d'autre que « vous pouvez y aller ». Ah oui? Voilà. Et puis, disons que quand mon livre a été fini, j'ai invité tous ceux qui étaient à proximité, tous mes témoins qui étaient à proximité, je les ai invités à la maison pour fêter ça. Et elle est venue, elle était d'une grande dignité, enfin, oui. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Ben oui. Et comme elle est sans moyens, comme elle n'a pas beaucoup de copines non plus. Ah oui, c'est l'exclusion. C'est mon mari qui est allé la chercher avec une autre personne qui est dans mon livre. Mais alors, c'est devenu une amitié. Hein. Ben oui. Oui, oui, c'est magnifique comme histoire en tout cas, et ça valait bien un livre en tout cas pour relever cette histoire, et même s'il n'y a pas de nom, eh bien, on salue cette dame qui du coup est quand même à l'origine de ce nouveau oui, livre. J'ai eu dans ce livre-là, j'ai eu plusieurs fois des vraies demandes. Oui. Une personne qui était venue à salon du livre où je dédicassais, qui m'avait acheté un livre précédent qui s'appelle Le Monde de Biscotte, oui. et qui aussi est dans le même style, mais oui. avec des coups de cœur plus gentils, enfin plus intimistes, quoi. Et donc, elle était partie avec ce livre-là. Le lendemain, elle revient, elle me dit « Vous ne voudriez pas écrire quelque chose pour moi ?» Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis « Vous voudrez savoir quoi ?» En fait, elle vit depuis plus de 45 ans avec un Portugais, qui est arrivé en France, c'était à l'époque où on envoyait tous les jeunes Portugais en Afrique pour pacifier les colonies, comme on a fait avec la guerre d'Algérie en D'accord, France. Oui. Donc ce garçon-là, il avait déjà perdu un frère en Afrique. Donc tout le monde lui disait « tu t'en vas ». Il a emprunté la carte d'identité, enfin les papiers ah, oui. d'un copain. Et ça faisait 3 ans qu'il travaillait en France quand il a connu donc celle qui est toujours sa compagne. Ils se sont mis en ménage, ils ont eu une petite fille. Mais alors là, il a craqué. Il a craqué. Un matin, il dit à son patron, il travaillait dans la maçonnerie, je m'en vais, je vais à la gendarmerie, j'ai des faux papiers, il faut que je le dise. Ah oui. Et il a bataillé pendant 2 ans, 3 ans, il a dû payer pas mal de choses, il a été convoqué tous les 2 mois à la gendarmerie. Tout. Ah oui. On voulait le renvoyer au Portugal, oui, oui. et puis il ne voulait pas ni quitter ni sa compagne, ni sa gamine. Ah oui, c'est et voilà. sûr. Et donc il a réussi. Et comme quand il a eu l'âge de la retraite, c'est sa compagne qui s'est débattue avec toutes les entreprises où il était passé pour récupérer ce qu'on lui devait de retraite parce qu'il avait ses cotisés. Ben oui. Pour la retraite, comme tout le monde, mais sous le faux nom. Donc toute cette partie-là était difficile à récupérer, mais elle a réussi. Ah ben c'est, en fait, c'est une surprise, un cadeau qu'elle voulait lui faire. Ah alors, oui. Oui. Alors, c'est un beau cadeau, ça. Je n'ai jamais vu le monsieur encore. Hein. Ah oui, non, d'accord. Je ne l'ai jamais vu là. Oui. Enfin bon, je le verrai un jour. Elle m'a dit, c'est bon, c'est promis, on se verra, mais... Mais vous êtes vraiment du coup une écoute, une oreille attentive vers laquelle on vient raconter son histoire. Oui. Et ça, c'est incroyable parce que ça, c'est répétitif quand même. C'est... Ben, disons que moi, j'étais correspondante de l'Est républicain. Eh ben oui. Et j'ai, pendant 30 ans, j'ai écouté les petites gens, les gens qui se dévouent, les gens qui se font pas des gloires. Et j'ai appris, de toute façon, j'aime bien les gens. Eh alors... Oui. C'est incroyable. Hein, quand le contact s'établit, il faut des fois quelques secondes en regardant des tomates dans une grande surface pour que j'arrive. Enfin, c'est pas que j'arrive, il faut que ça me plaise. Oui. Il y a une petite dame de Cornimont, hein, j'ai pas caché le nom, j'ai mis sa photo, mais je l'avais vue plusieurs fois au marché de Noël. Elle était dans mon parage, elle faisait des belles petites choses, mais en plus, elle avait autre chose en plus, quoi. Et alors, on discute, et puis voilà. Puis après, je demande, est-ce que vous voulez bien ? Et puis ça part, et puis... Souvent, ils acceptent les gens, ou alors il y en a quand même qui sont réticents à ce que vous écriviez leur histoire ? J'en ai pas eu vraiment. J'ai eu des difficultés pour mon deuxième ou troisième livre qui s'appelle La Forcola. Oui. Là, j'avais donc un monsieur que je connaissais, 80 ans environ, qui avait lu le premier Jean de Bedouce et qui me dit « Je vous raconte très bien ma guerre ». Et comme je l'appréciais bien, je lui dis « Chiche, pourquoi pas ?» Et je rentre chez moi en me disant « Mais il est d'origine italienne ». D'accord. Alors, d'origine italienne, il est toujours l'aîné d'une famille de 7 enfants, des gens immigrés qui sont arrivés dans les années entre 20 et 1920-1930 en France. Et pendant la guerre, ils ont vécu des choses assez graves. Hein. Ils ont eu leur maison brûlée, pas par les Allemands, pas par les libérateurs, mais par le voisinage. Ah, oui. Ah bon ? Pillée et brûlée. Oh. Alors donc, tout ça, il y a dans la famille, dans ses frères et sœurs, il y en a qui ne voulaient pas. D'accord. Alors, c'était un petit peu réticent, quoi. Puis dans la même famille, il y en avait un autre qui tenait beaucoup à ce que ce soit dit. Enfin bref, là, c'était assez difficile. On me disait toujours, élargissez le sujet. Mon intention, c'était bien ça. Ça lève les tabous, du coup. Alors finalement, moi, à force de chercher, je me dis comment je fais. J'ai créé un couple. Lui, il est d'origine italienne, ne sait pas trop d'où il vient. Et elle est vosgienne. Et ils partent tous les deux en camping-car. Alors là, ça fait comme un roman. D'accord. Mais en fait, il n'y a pas une ligne qui soit fausse. Et alors oui. On est parti avec mon mari dans le village d'origine de cette famille-là, sans savoir exactement quoi que ce soit. On est allé, première chose, on est allé au cimetière chercher des noms, voir s'il y en avait qui correspondaient aux noms qu'on a beaucoup dans les Vosges, hein, d'origine italienne. Et puis là, il y a deux papis italiens qui ont compris ce qu'on cherchait. Il y en a un qui nous a emmenés directement chez une italienne d'origine française qui était née dans les Vosges et qui était repartie à l'âge de 7 ans à cause de la guerre. Et qui y est restée parce qu'elle a rencontré quelqu'un là-bas. D'accord. Et qu'elle y a fait sa vie. Mais elle m'a dit bonjour en français et puis elle voulait m'apprendre l'italien. Mais c'était des personnes très âgées. D'accord. Et je les ai pas revues parce que j'avais tout ce qu'il me fallait, quoi. Mais oui. En fait, pendant l'hiver, le mari est décédé et puis c'était vraiment un couple très attachant, oui. très attaché aussi. Oui. Et ils sont décédés tous les deux. Alors, on est retourné en Italie plusieurs fois, mais là, on est allé au cimetière, quoi. Ah, mais bah, pour oui. le, sur leur tombe. Oui, oui, oui. Il y a un vrai travail de recherche, en tout cas, autour de vos livres, et ça, c'est incroyable. Alors, si vous le voulez bien, on va se lancer dans une première pause musicale, et j'ai oublié quand même de dire que Chris est avec nous aujourd'hui pour mener cette interview avec nous, hein. On est tous les deux aux commandes. Chris, il a également écrit un livre, donc il vous en parlera tout de suite. Ah bon, après, alors là, ça m'intéresse. Bah voilà, on en parle tout de suite après, Quand on n'a que l'amour, de Jacques Brel, et on se retrouve juste après. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin, pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique et de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier. Nous sommes toujours ensemble aujourd'hui avec notre invitée Micheline Faliguero qui nous parle entre autres de son ouvrage L'Offensé, carnet de rencontres, mais pas que, hein, on gravite autour de tout votre parcours qui est vraiment très intéressant. En tout cas, merci encore beaucoup à vous d'être aujourd'hui ici pour nous raconter tout ça. Alors, je vais laisser la parole à Chris qui a préparé quelques questions à vous poser. Déjà, bonjour Micheline. Bonjour. Donc, il est important de noter qu'avant d'être une autrice, vous étiez enseignante et correspondante de presse. Oui. Donc, d'un côté, l'écriture a toujours fait partie de votre vie, j'ai l'impression. Oui. Et donc, désormais, vous vous consacrez totalement à l'écriture. Pourquoi, entre guillemets Pourquoi l'écriture? Oui. Je ne sais pas, je me suis souvent posé la question. Disons que déjà, la correspondance de presse, je ne sais pas si ça ne vient pas du fait que quand j'étais enfant, mon père m'envoyait de temps en temps chercher le quotidien chez le marchand de journaux, quoi. Là, ça m'avait toujours assez intéressée de savoir comment se passait comment il faisait pour écrire les journaux. Tout ça, c'était peut-être ça. Je me souviens qu'à l'époque, je lisais le feuilleton. C'est tout ce que je lisais. Peut-être le goût d'écrire comme ça, c'est le goût de témoigner, surtout. de témoigner. Alors, là, il s'est avéré que à une époque, il faut remonter à 40 ans. Là, il cherchait des correspondants de presse. Mon mari l'a fait, on l'a fait. Après, j'étais correspondante aussi. On travaillait souvent. On a souvent fait ensemble. Ou plutôt il nous utilisait, c'est-à-dire qu'un tel devait aller à rue ou dans la vallée de la Moselle pendant que l'autre allait faire autre chose. Et il y a même eu un moment où le chef d'agence, M. Coutinho à l'époque, aurait souhaité que je quitte mon métier d'institutrice pour être au journal, quoi, à Remiremont. À ça, je n'ai pas voulu. À mon plus beau métier, c'est quand même institutrice. Donc, j'ai pris, moi, personnellement, beaucoup de plaisir et même beaucoup de temps à consacrer à l'écriture dans les journaux. Et j'y ai beaucoup appris, parce que mon chef d'agence initial... Il m'a appris à être concise, à dire le plus de choses possible dans le moins de mots possible. Et c'est presque à ce moment un problème que j'ai, c'est que je pourrais, je ne délaye pas. C'est-à-dire que je pourrais écrire, en mettre beaucoup plus, mais je me donne des limites. Et puis finalement, pour ce genre d'écrit, c'est bien quand même, parce que les gens me disent oh, « bon, on lit un chapitre un soir, et puis le lendemain, on en lit un autre, voilà ». Est-ce que vous avez proposé des ateliers d'écriture pendant que vous étiez institutrice à vos élèves ? Non, moi j'avais des petits, hein, mais une expérience que j'ai faite, par exemple, 2 ou 3 ans de suite, c'est que j'avais ma méthode de lecture avec les CP, c'était de commencer une histoire. Alors je mettais 4 lignes de texte au tableau, et petit à petit, de semaine en semaine, jusqu'à Noël, jusqu'à janvier, on avançait dans l'histoire, une histoire que je créais moi-même. Oh, c'est chouette. Et qui finissait à tel point que les parents s'étaient habitués à ça. Ils attendaient l'histoire de l'année prochaine. Enfin, bon. J'ai eu, surtout la première, c'était l'histoire d'un Bambi, d'un petit chevreuil, tout petit, tout né, tout jeune, tout né, qui avait eu une patte coupée par la faucheuse d'un paysan. Et le paysan avait récupéré l'animal, il l'avait soigné, et on avait près de chez moi, il y avait un Bambi à 3 pattes. Alors c'est cette histoire-là que j'ai commencé petit à petit pour amener à la lecture. Aussi, nous pouvons voir sur la 4e de couverture que vous faites partie de l'association ETEX. Ah oui. Depuis plus de 20 ans. Donc ETEX, pour le petit rappel, c'est une association qui aide les jeunes ou même les moins jeunes dans la réinsertion, par le travail, tout ça. Oui. Donc est-ce que dans votre livre, c'était un genre de message aux invisibles, aux personnes qu'on appelle les invisibles ou pas ? Moi, d'une certaine manière, oui. Je ne me suis jamais permis j'en ai eu envie, mais j'ai pas vu. Je me suis jamais permis d'écrire sur ces gens que je vois plus ou moins de loin. Mais enfin, j'aurais pu aussi me dire je décide que je rencontre les employés des textes et que je leur fais un livre. J'en ai acheté un une fois au Salon du Livre à Épinal, non à Nancy, pardon, et ce livre-là, je l'ai fait passer dans l'association à tel point que je ne le récupère plus. Il a plu, mais... C'est aussi mon livre L'Offensé, ça amène, je pense, à réfléchir à toutes les situations de vie des gens à notre époque. Hein. Alors, avec tout ce qui se passe en plus, donc il faut se dire que la vie a beaucoup changé. Moi, quand j'écrivais ces textes-là, je pensais beaucoup au travail de mes parents, par exemple. Ils avaient une petite ferme dans les Hautes-Vosges, enfin Bussan, et mon père travaillait à l'usine. Quand il avait ses vacances d'été, c'était du 1er au 14 juillet, il faisait ses foins, comme on disait à l'époque. Hein. Donc, je ne peux pas m'empêcher à la fois de penser à ce vécu de des gens qui ont eu la vie très difficile, mais qui étaient quand même heureux quand ils arrivaient à avoir suffisamment ce qu'il leur fallait. Moi, j'ai eu la chance de que mon père me bouscule un peu mon institutrice pour me faire passer le concours d'entrée au collège à l'époque. Et puis après que ma principale de collège aille le trouver à l'usine pour lui dire il faut qu'elle continue. Mais j'ai eu beaucoup de chance. Mais j'étais dans une famille où on travaillait beaucoup. Je réalise en même temps que maintenant la vie a tellement changé qu'elle est aussi certainement très difficile pour beaucoup de gens, hein, pour beaucoup de gens. Que pour moi, rien que de les présenter l'un ou l'autre, d'en faire un texte sur eux, ça peut faire réfléchir. Je suis un peu moins anodine dans ce livre-là que dans Le Monde de Biscotte, où c'était tout beau, tout gentil. Hein. Moi, je crois qu'il faut quand même faire la part des choses entre tout, mais réfléchir, ne pas se dire c'est maintenant, c'est autrement, c'est très dur aussi. Donc, chacun trouvera dans mon livre ce qu'il voudra, ce qu'il pourra en tirer oui. Quoi. Mais je n'impose à personne de penser. Je donne des exemples. Ça, c'est vrai. C'était un choix de quitter un petit peu le romantisme, la légèreté, pour aller vraiment vers des histoires un petit peu plus... On peut dire cruel. Oui, un petit peu c'était plus dur. Un choix, oui, parce que quand je me suis relue, quand je me suis relue dans Le Monde de Biscotte, je me suis dit que je pouvais mieux faire, il fallait quand même que ce soit un petit peu plus consistant face à la réalité. Le monde de Biscotte, c'est des coups de cœur aussi. Mais je me suis dit que ça ne reflète pas vraiment la même... C'est des personnes... D'ailleurs, le livre a été bien lu parce que j'ai fini par le réimprimer. Ah oui. Mais je me suis dit qu'il y avait peut-être plus à dire. C'est pour ça que oui. C'est un peu moins anodin cette fois-ci. Mais en fait, le hasard a quand même fait que les gens qui y sont, je les ai rencontrés comme ça à un moment ou à un autre. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, disait Eckhart Tolle d'ailleurs. Voilà, et je pense qu'à mon avis, ils ne vous ont pas trouvé pour rien. Il est aussi également important de noter que vous êtes une autrice auto-éditée, que vous avez écrit, il me semble, vos 6 romans en auto-édition. Oui, non, ce n'est pas le premier, dans le premier. Le premier, c'était L'Harmattan. D'accord. Sur les conseils d'une dame qui habite Épinal, Jeanne Cressange, qui a toujours vécu de sa plume. Et cette femme-là, elle avait écrit un livre. J'avais écouté en auditrice à Armirement avec la bibliothèque, quoi. Et j'avais écrit quelques lignes sur elle spontanément pour le journal. Et au journal, on m'a dit mais vous auriez pu me faire. Alors je l'ai rencontrée chez elle et je lui ai fait un papier et qui lui a beaucoup plu. Et puis après, j'étais en train de faire mon livre de Jean de Bedouce. Là, j'ai osé, parce que c'est quand même quelqu'un d'important point de vue écriture, j'ai osé lui proposer mon manuscrit pour voir ce qu'elle m'a fait. Elle m'a fait une préface. Et puis elle m'a donné diverses adresses, comment m'en sortir. Et c'est l'Harmattan parisien. Il publie de 60-70 livres dans 3 semaines, quoi. J'étais très déçue parce que si je n'avais rien fait moi-même, je ne vendais pas un livre. J'étais déçue de l'édition, donc. Alors je me suis dit, je vais essayer en auto-édition à cause de ça. Parce que quand on vous fait signer un contrat, vous êtes contente, mais quand vous signez un contrat qui vous dit les 500 premiers livres vendus, vous avez 0%, et puis au-delà, vous avez 4%, C'est tout à fait larmoyant, ça. Donc, je ne sais pas si je fais bien de le dire comme ça. Mais, donc, je me suis débrouillée. J'en suis à peu près à 780 livres vendus moi-même. D'accord. Je les commande à larmoyant. Ils ne me font pas de cadeaux. Ils me font une petite réduction. Et puis, je les revends. Ce n'est pas pour l'argent. Hein. D'accord. Ce n'est pas du tout pour l'argent. Donc, ensuite, l'auto-édition, ben, j'ai beaucoup de chance. J'ai un gendre qui est informaticien. Et c'est lui qui me fait les maquettes. Son épouse, donc ma fille, ma troisième fille, relit, me dit ça me plaît, ça me plaît pas. Enfin, elle me dit aussi ce qu'elle pense. Et donc, j'ai facile de faire de l'auto-édition parce que mon gendre s'arrange avec l'imprimeur. C'est une histoire entre eux et ça me coûte beaucoup moins cher quand même que si je devais le confier pour préparer le livre, le bon à tirer. Quoi. Les dures lois des maisons d'édition, c'est quand même incroyable ça. Ah ben c'est tout à fait ça, ben je suis repartie là pour l'automne, mais c'est vraiment, je suis repartie pour l'édition, mais pour l'éditeur pour enfants. Parce que c'est un truc aussi que j'aime bien faire, c'est à partir de mots d'enfants. D'ailleurs, j'ai fait un livre avec les mots de mes petits-enfants. Ouais. À partir de 4-5 mots, je crée une histoire, un conte, enfin une petite histoire. Et il y a le fait imprévu qu'un couple encore vient me trouver en me disant « Mais notre fille, elle vient de sortir de l'école, elle est illustratrice ». Alors, je dis, ça peut toujours m'intéresser. J'ai pris le nom, l'adresse. Enfin, bref, elle habite Angoulême. Et donc, on passait par là, on est allé la voir. Et au salon du livre sur la place, j'ai discuté longuement avec un éditeur alsacien qui édite pour les enfants. Et il ne fait pas que ça. Et c'est peut-être un peu mon côté instinct qui ressort, là. Mais non seulement il crée des livres, il les édite, mais il fait aussi ce qu'on appelle des kamishibai, c'est-à-dire qu'il prend les images du conte, il les tire en assez grand format et il les présente en spectacle. Il y met de la musique, il fait l'animation. Donc, c'est Tonton Michel. Il se fait appeler Tonton Michel par les enfants. Ça. Et c'est Michel Kiffer, un éditeur. Donc, c'est pour la prochaine, l'automne, la prochaine saison. J'aurai un petit livre pour enfants qui s'appelle Petit Saut Bleu. Dis donc, quelle histoire! Eh bien, oui, j'imagine que ça coulait un petit peu de source de faire un petit peu un ouvrage. Pour les enfants, en tant qu'ancienne institutrice, c'était... Oui, mais hein? En fait, au départ, moi, je ne sais pas pourquoi, c'est toujours pareil, pourquoi j'avais demandé, il y a quelques années, à mes petits-enfants de me donner chacun une liste de mots, des petits rouleaux que j'avais dans un tiroir, et un jour, j'ai sorti une liste, et j'ai fait une histoire, je la montre à la maman, qui me dit, mais c'est pas mal, pourquoi tu ne ferais pas pour les autres? Et alors, j'écris mes 7 contes, de la baleine. La baleine, c'est le petit rocher qui est près de chez nous, devant la maison, sur lequel mes petits-enfants adoraient jouer. Mais oui. Et puis, j'ai après ça, bon, je fais un peu d'aquarelle, mais je ne me sentais pas capable d'illustrer. J'ai turlupiné les amis que j'avais en aquarelle. Et j'ai eu en particulier Pierre Creusot, le meilleur Vosgien, à 80 ans au moins, qui m'a fait des aquarelles. J'ai eu une dame qui vient à Vosges en marche, à Basse-sur-le-Rue, qui m'a fait aussi de l'aquarelle. Et puis un ami de mon mari qui peint d'habitude à l'huile, mais cette fois-là, il m'a fait des aquarelles. Ah. Donc, on a un livre avec 4 aquarellistes. D'accord. Voilà. Ah, c'est chouette. Mais en parlant d'aquarelle, on voit que dans votre ouvrage, L'Offensé, il y a quelques dessins. C'est que vous avez fait. Ah oui, c'est à moi. Et oui. C'est de l'aquarelle. C'est de l'aquarelle. Ah, oui. Voilà. C'est de l'aquarelle. On aura le fin mot. On hésitait entre la gouache et l'aquarelle. On n'est pas des spécialistes. La gouache, j'en ai fait beaucoup à l'école. Alors, ah oui, d'accord. Donc on est passé à l'aquarelle. Oui, disons que l'aquarelle, c'est que je suis allée faire des rencontres pour le journal, pour l'Est République, à vos gens en marche, qui vous semblez connaître. Mmh. Et donc, il y avait à l'époque une dame qui s'appelle Odile Mélinette, qui me disait, mais Micheline, pourquoi tu ne restes pas avec nous ? Je suis restée une fois, et puis j'y vais quasiment tous les ans, une ou deux fois. D'accord. C'est-à-dire que, habitant tout près, j'y vais le matin, la semaine complète, quand il y a l'aquarelle ou aquarelle pastel. Et puis, le dernier jour, je reste avec le groupe pour manger ensemble. Ben parce oui, que ça, c'est convivial. C'est très, oui. C'est convivial. Et du coup, vous avez choisi quelques dessins pour un petit peu illustrer l'ouvrage L'Offensé. Oui, en particulier ceux dont je ne pouvais pas mettre le nom. D'accord. Je ne pouvais pas mettre la photo, donc j'ai en particulier des belles chaussures de marche. Ah oui, c'est vrai. que j'ai mises là parce que mon autiste, elle est capable de guider en randonnée. Elle ne le fait jamais seule. Mais elle marche beaucoup. D'accord. Et là, elle est partie actuellement faire un petit bout de Compostelle toute seule. Ah oui. D'accord. Oui. Et donc, du coup, pour un petit peu marquer sa présence dans le livre, on a fait des chaussures de marche. Voilà, les chaussures de marche. C'est un beau clin d'œil. Le couple de sportifs, là, l'art de vivre par le sport, quoi. J'ai recherché dans mes aquarelles. C'était un exercice un exercice de... Pour l'allure, la silhouette d'un sportif. Alors oui. Je me suis dit, ça pourrait aller. Bah oui, parfaitement. On se lance une deuxième pause musicale avant de revenir avec Chris et notre invité Micheline. Chris, il a beaucoup de questions à vous poser aussi, un petit peu sur les rencontres que vous avez faites pour écrire ce livre, L'Offensé, que je recommande. Alors, je vous l'avoue, je n'ai pas eu le temps de tout lire, parce que je l'ai eu il y a que quelques jours. Ah, ben voilà, j'ai de la chance. Mais si on a envie... Oui, on se le prêtera, ça c'est sûr. Et puis aussi à tous les membres de la radio qui en auront envie. Si on veut se le procurer, cet ouvrage, on alors, passe par où? Ben j'en ai déjà déposé à peu près dans les librairies indépendantes des Vosges, à Gérardmer, à Saint-Dié, à Vittel, à Neuchâteau, à Épinal. D'accord. À Mirmont, oui. Pas oublié. Ah bah oui, quand même. Notre Charlotte Nouvelle à la lire et écrire. Ah oui. Et puis, si on me téléphone, on peut venir me le chercher chez moi. Ah bah dis donc, avec une dédicace. Avec la dédicace, oui. Ben je fais aussi beaucoup de salons du livre, mais c'est très difficile en ce moment. Ça fait 2 ans, 3 ans là, que les gens se cassent la tête pour faire des salons du livre et qu'on se retrouve à 30, 40, 50 auteurs. Hein, et puis on a 30, 40, 50 visiteurs. Ah oui. Quand on voit un livre ou deux, on est content. Ah, d'accord. Bah, Chris, oui. Il doit en connaître un rayon là-dessus. Oui. Vous êtes jamais rencontré lors d'un salon? Je ne sais pas comment il s'appelle. Christopher Durand. Ça ne me dit pas. Pourtant, moi, je sympathise souvent hein, avec les gens qui... Il faut que je vois ce qu'ils écrivent. C'est bien de se comparer. C'est mais bien oui, de s'aider même. Hein. Mais non, moi, ça alors, dirait... qu'est-ce que vous avez écrit, Christophe? Christopher. Ou Chris, comme vous voulez. J'ai écrit mon tout premier recueil auto-édité, justement. C'est un recueil de nouvelles. Oui. Et donc, que chaque histoire traite un sujet différent. Et puis, je suis actuellement en train de finaliser, on va dire, le 12e livre. Et j'ai un projet de 3e livre aussi... Ouais, vous montrerez tout ça, hein, qu'on en cause. Pas de souci. Ça, c'est chouette, ça. On se lance dans notre deuxième bulle de son avant d'entamer notre dernière partie d'émission, parce que cette heure est passée à toute vitesse, quand même. On va faire un petit tour du côté, peut-être, des témoignages que vous avez recueillis. Je pense que Chris, il a encore quelques questions à vous poser. Et puis voilà. On se lance dans la musique folklorique portugaise. Allez, c'est parti. Ah, pourquoi pas? Oui, ça me plaît bien. Tens bigode e eu não tenho. Tens bigode e eu não tenho. convinta. Limpo o bigode de pinta. Sou um homem arrumado. Gosto da minha cara limpa. Nous sommes toujours sur Radio Guimouzou, 107 FM, dans la bulle avec aujourd'hui notre invitée Micheline qui est venue nous parler eh bien, de son livre L'Offensé. Et puis nous sommes aussi avec Chris qui est aux commandes aujourd'hui avec moi pour cette interview. Alors on va refaire un petit tour quand même avant de terminer cette émission sur ce livre L'Offensé. Vous avez rencontré donc combien de personnes, combien de temps ça a mis pour écrire ce livre? Donc, dans mon livre, j'ai finalisé 16 personnes, le texte pour 16 personnes. J'ai mis facilement 2 ans, voire deux un peu ans. Plus. Oh, d'accord. Oui, parce que ça, parce qu'on ne fait pas que ça. Ah ben non. Parce qu'on est quelquefois en route en camping-car, sur les chemins de France ou d'ailleurs. Ce sera peut-être un autre livre d'ailleurs. Je ne sais pas. Mais par contre, j'en ai dans ce livre-là un certain Claude Auger. C'est une rencontre en camping-car. On se gare en Sologne. J'adore la Sologne. Et on se gare sur un petit coin de sable à côté d'un lotissement. Et un papy. Se promène sur le trottoir d'en face, il nous fait coucou, il fait beau au soleil, et puis finalement, comme je l'avais prévu, il traverse. Et il vient nous dire, excusez-moi messieurs, dames, j'ai eu un camping-car il y a 16 ans, Et je l'ai revendu aussi vite parce que mon épouse est morte il y a 16 ans. Donc, ça m'a touchée, moi. C'était qu'ils viennent parce que, en fait, il venait tout de suite évoquer des grosses peines. Il est toujours tout seul. Et il a fallu aller boire le café chez lui. On est reparti avec. On a visité son jardin. On est reparti avec des framboises, des poireaux, des fleurs à repiquer. Enfin. Et puis, on est parti surtout avec 7 pots de confiture. Ah oui, d'accord. Pour nos petits-enfants. Ah oui, okay. Et puis, on a toujours. On est déjà allé le revoir plusieurs fois, passant par là. Et puis, on a toujours gardé des contacts. Et quand il a 30 ans. Il nous téléphone. Alors, mes petits mignons, comment vous allez? Donc, ils l'ont tous lu, votre livre, ceux pour qui vous avez écrit les histoires? Et bien sûr, là, maintenant ils l'ont, je leur ai offert. Oui. Ils l'ont tous lu et puis ils sont tout contents, quoi. Enfin, bah, oui. Ça fait. Chaque fois que j'écris des livres comme ça, ça me fait. Une liste supplémentaire d'amis, ah bah oui. D'anniversaires à ne pas oublier, de petits mots, de petits coups de téléphone pour savoir si la santé est toujours là. Il y a un suivi derrière après. Ils ont du mal de lâcher, et puis moi j'ai du mal de les lâcher. C'est vrai, aussi. Dans ce livre-là, il y a la bajouriste, on l'a rencontrée il y a 5-6 ans. On se promenait dans Nevers en touriste, une petite, je vois une petite chose sur un monument, enfin sur une maison, je pose la question à la dame, elle se met à nous expliquer, je me dis tiens, elle est forte celle-là. Finalement, sympathie s'installe, elle nous fait visiter, on est rentré dans Nevers, dans des endroits qu'on n'aurait jamais vus, puis pourtant elle était tout ordinaire, elle était abajouriste son métier. Alors d'une année sur l'autre, quand on passe par là, je téléphone pour voir si elle est là, on va la voir. Et là, maintenant, elle a des problèmes de santé, mais de temps en temps, elle est contente que je l'appelle pour savoir où elle en est. Voilà. Donc, c'est au fil des rencontres donc, que ce très beau livre est né. Et ça, c'est, j'aime ça, bien c'est le chaud. Très beau. Ah bah oui, j'ai lu le début parce que je n'ai pas pu avoir la chance de continuer, mais je le finirai, bien sûr. Oui. Et déjà, ça m'a touchée parce que c'est très accessible, déjà, il faut le dire. Oui. Moi, je trouve que c'est très accessible à lire. Et on est tout de suite plongé, en fait, dans l'histoire de la personne dont vous parlez. Et c'est très touchant, en tout cas, comme écriture. Voilà. Merci beaucoup. Mais c'est sincère. Mais j'aime bien les placer aussi dans leur lieu de vie, leur paysage, leur habitat. Enfin, mais oui, c'est important. C'est important. Moi, je trouve que ça permet de voir des vies et se dire, tiens, je pourrais peut-être faire autrement ou je pourrais peut-être penser autrement. Et puis arrêter un petit peu de se plaindre de son quotidien alors qu'on a la chance de vivre. Oui. Tranquillement, oui. Quand on est allé à l'étranger, que je rentre en France, je me dis, mais on est dans le meilleur des pays. C'est surtout au niveau des écoles, par exemple. Oui. On a l'école maternelle gratuite. Je me souviens au Vietnam, les petites poupées qui étaient toutes habillées, toutes qui allaient à l'école maternelle, c'est que papa, maman avaient les moyens. Quoi. Oui. Hein. Nous, on a l'accès à l'éducation et ça, c'est très important. C'est tout à fait. Et puis je peux pas lâcher mon métier. Ah ben non, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a un prochain livre en cours? Le livre Le Petit Seau Bleu, avec les mots de l'école maternelle de Sapois. Ok. Je leur avais donné le texte que j'avais fait. Et puis de fil en aiguille, donc avec des bonnes rencontres, il va sortir en album, c'est-à-dire un album à 5 euros. C'est formidable parce qu'en plus, il va être traité en spectacle, en kamishibai, avec les. Et puis, ça permet, là, c'est encore un petit peu mon côté bonne sœur, si on peut, mais ça permet à Delphine Franzoya, donc ma jeune illustratrice, de rentrer direct chez un éditeur. Parce que c'est très difficile, surtout dans ce métier-là, d'accord. De rentrer, d'être repérée par un éditeur. Et l'éditeur, Michel Kiefer, qui habite Rhino, je crois que c'est près de Strasbourg, il nous dit qu'il est preneur de tout projet, donc pour elle, c'est plus important que pour moi, mais elle, ça lui. Alors j'ai déjà fait d'autres textes et je les lui D'accord. Je lui envoie. Donc. Il y a une belle bienveillance, en tout cas, chez vous. On voit que vous avez envie d'aider les gens. Oui, ben, je fais partie des textes aussi. Enfin, avec textes, j'ai travaillé, j'ai participé de diverses matières. Et à un moment, ils avaient besoin de moi pour faire la remise à niveau là, en français. C'est quasiment impossible, mais enfin, je faisais ça avec plaisir. Mais les employés de ETEX sont tous dans des situations très catastrophiques. Hein, alors donc, est-ce que vous vous lancez dans un livre à la fois, ou est-ce que voilà, il y a déjà des petites notes pour celui qu'on va lancer la fois d'après, où on y va étape par étape? Là, non, c'est un livre à la fois. Et puis là, je souffle. Je sais que les gens ont bien aimé les premiers, c'est-à-dire le côté historique. Historique accessible, quoi. C'est à partir du vrai et du vécu. Mais je veux un petit peu souffler. Là, je vais faire quelques contes pour enfants et puis après, on verra. Un petit peu de j'ai fait une biographie d'une famille parce qu'une des filles qui la voulait, parce qu'elle nous connaissait, elle avait surtout mon mari à l'école. Donc. D'accord. Mais j'ai aussi une proposition de biographie, mais je souffle. On lève le pied. Voilà, oui. On profite. Voilà. Avant de terminer cette émission, est-ce que Chris a une dernière question? Bon, on va pas dire sur l'auto-édition. Allez, vas-y. Étant donné que je suis un auteur auto-édité également, est-ce que vous auriez quelques conseils à donner pour la publicité ou la promotion des livres des auteurs auto-édités? Alors, les auto-édités, ils ont bien du mal. C'est-à-dire que. Oui. C'est-à-dire que. D'un premier temps, il faut se faire connaître et essayer de se faire inscrire dans des salons du livre. Mmh. Il faut faire le tour de tous les meilleurs libraires, c'est-à-dire les libraires indépendants, pour leur proposer un dépôt de livres. Mais il faut savoir que cette année, moi, tout le monde me demande 30%. Alors quand j'ai déjà payé le livre pour la fabrication... Mmh. Et qui demande 30%, c'est un peu dur, quoi. Mais il faut aussi qu'il y a beaucoup de jeunes libraires qui démarrent, hein, en ce moment. J'ai eu contact à Vittel, à Mirecourt, à Mirmont. C'est tous des jeunes éditeurs. Alors on se dit que moi, je ne fais pas pour l'argent. Donc on se dit que quand je récupère ma mise, je suis contente. Oui. Je ne compte que les livres vendus, je ne compte pas les déplacements, tout ça. C'est simplement, voilà. Et puis donc, les salons, les contacts. Et puis, essayer de... Il y a aussi les maisons de la presse, hein, c'est pareil, qui demandent la même chose. Et puis, le vendre par soi-même... Moi, j'allais toujours dans le coffre de la voiture. Et des gens qui sont... Tiens, oh, j'aurais voulu votre livre, je l'ai dans le coffre. Ah voilà. Ben voilà, et puis d'excuses. Et voilà, et puis d'une fois à l'autre, c'est petit à petit. Hein, quand les gens vous connaissent, maintenant, ils me connaissent, donc ils savent. Il y a la presse, hein, il faut aussi utiliser la presse. Moi, j'ai eu beaucoup de charges cette fois-ci. Hein. D'abord, Vosges-Matin, tout de suite, par le biais d'une dame avec qui j'ai été correspondante pendant des années, qui me connaissait bien. Et puis après ça, il ne faut pas hésiter à rendre des services aussi là. Tous les ans, le Rotary Club nous invite pour une présence dans ce qu'ils appellent la dictée du Rotary. Et donc, Philippe Perriot, qui est un des membres de cette association-là, qui travaille pour l'Écho des Vosges et qui Remirement Info, il a lu le bouquin jusqu'au bout et puis alors il m'a fait un papier fabuleux. Vraiment, j'étais contente comme tout. Et ce papier-là a dû être lu par une journaliste de la télé des Vosges qui m'a fixé des rendez-vous. Alors c'est petit à petit, hein, il faut se faire connaître. Est-ce que vous avez un site internet où on peut retrouver faites? Mon site internet, oui, c'est micheline@. Oui. Non, HTTP, tout oui. ça. Hein. micheline@faliguero.fr. Il ne faut pas faire de faute à Faliguero, ah ben c'est voilà. Tout, parce que ça ne marche pas. On remettra cette adresse internet en lien avec le podcast de cette émission que nous retrouverons sur notre page Facebook et notre site internet. Oui, et moi je suis sur Facebook aussi, mais ben je ne voilà. sais pas bien m'en servir. Ah, super. Ben, on vous remercie beaucoup Micheline d'être merci venue aujourd'hui. Merci Lia, merci Christopher, et puis merci au troisième qui est derrière, qui Alex. Se cache là. Alors Alex, il est... Il est bénévole ici, fait une voilà, chronique aussi. Bravo aux bénévoles. Hein. Bah je... oui. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire à nos auditeurs ? Que j'espère que mes écrits les interpelleront un petit peu et qu'ils y verront l'amour des gens, le respect des gens, le souhait que tout le monde s'en sorte. Très beau message. Merci beaucoup Micheline, merci Chris, et à très bientôt. Underground. Get next.